la première fois en chantant Shabadabada. Je me souviens de cette phase B. Starsky et Hutch ont coulé. C'était bien avant le laser. On chantait Love is in the air. Oh, oh, oh. Si on mettait nos vies sur pause un instant. Plus de messages et plus d'images. Rien que l'envie de voyage, voyage. Si on ressortait les vinyles. C'est comme la première fois, surtout c'est Shabadabada. C'était hanché sur un air disco. Pas d'effet chaud sur un plateau. S'envoler pour Alexandrie avec l'enclos. Si on repartait à zéro. Ce soir tu seras mon Aline. Ma Gabrielle et ma Sarah. Bonjour à tous les auditeurs, auditrices de Radio Gemozo. Vous êtes sur le 107 FM. Merci d'être à l'écoute. Vous nous suivez également sur le web www.radiogemozo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Vous avez été plus de 300 personnes à voir la publication pour cette émission. C'est pas mal. Bonjour le Québec, bonjour le Maroc, bonjour la Belgique et bonjour la Suisse. Bonjour la technique. Bonjour Marc. Bonjour. Ça va? Ouais. Il y a du monde aujourd'hui, hein, c'est bien. Donc vous êtes avec Gilou, je vous accompagne en musique et en direct jusqu'à 17h30 dans les années bonheur. Alors pour cette émission, je ne suis pas tout seul. Et j'ai le grand plaisir de recevoir dans nos studios mon amie animatrice Mado de Radio Plus Haleine, qui nous vient de l'Oise et qui présente chaque semaine son émission sur un air de romance. Alors, qu'est-ce que je voulais ? Oui, avant de rejoindre Mado, un petit coucou au fan club des années bonheur. N'hésitez pas à nous laisser des messages sur la page de Facebook de la radio, ainsi que sur la page Gilles Mougel officielle. Je transmettrai en direct et je vous attends au standard au 03 29 62 40 40 pour nous faire un petit coucou à l'antenne. Je compte sur vous. Voilà. Je retrouve maintenant Mado. Bonjour Mado. Bonjour Gilles. Comment vas-tu ? Eh bien ça va très bien, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui pour l'émission Les années bonheur. Voilà, oui. D'habitude je t'écoute, on est dans notre Picardie bien oui. sûr. Alors eh bien je salue les auditeurs de Radio Gemozo, le Québec, hein, Lynn, qu'on n'oublie pas. Voilà c'est et ça. Et puis ouais, je salue aussi moi mes auditeurs écoutez. Des Hauts-de-France et de Picardie qui je sais certains sont à l'écoute. D'accord, bah, écoute moi ça me fait très plaisir de te recevoir ici dans nos studios. Hein, oui. Voilà, ça fait un petit moment qu'on en parlait. On en parlait, c'était un projet qui était depuis un certain temps. Et puis ben là, nous, ça s'est décidé d'un seul coup avec Marie-France de venir passer quelques jours dans les Vosges. Voilà, donc vous êtes en villégiature dans les Vosges, hein, c'est bien. Donc oui, on a Marie-France qui est avec oui. nous, bien sûr. Bonjour Marie-France. Bonjour Gilou. Tu vas bien ? Je vais très bien, merci. D'accord. Merci à toi de m'accueillir dans cette radio. Bonjour les Vosges, très jolie région. Et moi, je suis fidèle supportrice de Mado et amie d'enfance de Mado. Voilà, voilà. Et puis, comment je dirais aussi, copilote aussi, copilote, hein, ces jours-ci. C'est ce que j'allais dire, copilote. Moi, mais des fois, tu sais, on dévie. Hein. Pas toujours très attentionné. Voilà. J'ai aussi donc Patricia qui est avec nous. Oui, Patricia voilà. est avec nous, c'est super. Au moins voilà, voilà, je suis bien entouré cet après-midi. Femmes, c'est vrai, ça change. Hein, bah, écoute, souvent, hein, c'est ça les fans. Hein. Ouais, mais moi, c'est le contraire, c'est souvent des hommes avec moi. Là-bas. Ah oui, oui, c'est normal. C'est normal. Mais voilà, c'est bien. Donc voilà, nous allons commencer. Alors, une petite. Allez, on va commencer, tiens, par une petite surprise. Joyeux anniversaire! On est venu te souhaiter ton anniversaire, on est venu te souhaiter ton anniversaire. Et un an de plus, qu'on t'aime, un an de plus, qu'on t'aime énormément. Un an de plus, qu'on t'aime, un an de plus, et on t'aimera longtemps. On est venu te souhaiter ton anniversaire, on est s'aime, qu'on s'aime, un an de plus et on s'aimera toujours. Voilà Mado, pour commencer. Merci, donc, c'est très sympathique, c'est gentil à toute l'équipe quand même. Je t'en prie. C'est vrai, un an de plus hier, je le prends dans les Vosges, c'est que du bonheur. C'était donc hier, hein, bien sûr. Oui. Alors, bien sûr, on ne dira pas ton âge. Moi, je le sais, mais je ne dirai rien. Voilà, je resterai muet. Bon, allez, rassurez-vous, dans ma tête, je suis resté à 40 ans, ça ne bougera pas. Ah oui, c'est sûr. Non, mais quand on t'entend, de toute façon, dans tes émissions et tout, c'est vrai que... Voilà, puis c'est bien la radio, quand même. Hein, ça fait des belles rencontres. Ça fait des belles rencontres. Ça fait rester jeune dans la tête, ça fait garder un contact avec tout le monde. Bien sûr. Ça fait faire des belles rencontres, des belles connaissances, comme avec toi. Oui, oui, exactement. Et puis, ben, au niveau des artistes, on a quand même un choix d'artistes en France qui sont super. De la belle chanson. De la belle française. Chanson. Ah, alors moi j'insiste là-dessus et je reste très française. C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Et puis c'est vrai qu'on a eu l'occasion, bien sûr, ben, de se. On s'était déjà rencontrés visu, hein, sur deux concerts. Hein, oui. Voilà, en Alsace. D'où la même passion des artistes, d'où la même passion de la musique, des chansons romantiques aussi. Voilà, tout à fait. Comme je disais tout à l'heure dans l'intro, donc tu présentes sur un air de romance. Que j'ai piqué à mon ami Michel. Oui. Ben, moi, c'est les années bonheur. Alors, tu sais, je me dis, un jour, je vais me faire... C'est Sébastien. Sébastien. Alors, bon, ça va, il n'y a pas de problème. Mais je disais, donc, il va y avoir de la romance après-midi sur les ondes. Je pense. Voilà. Alors, Mado, écoute, bon, je ne te sens pas trop ému, ça va? Pas du tout, zen, cool, tout va bien. Donc, pour se remettre, tu ne sais pas ce qu'on va faire. Non. On va se boire un petit cappuccino. Ah quelques jours déjà, je ne trouve plus le sommeil. Depuis le moment où je t'ai rencontré, un feu brûle en moi et je sens, toi seul tu es un rêve pour moi. Mon monde ne tourne qu'autour de toi. Quand tu es là, alors je pense d'abord un cappuccino, ensuite un peu de vino et beaucoup de toi. Juste des bougies, la chaleur de nos cœurs et de la musique. J'y pense encore, peu importe ce que je fais aussi. D'abord un cappuccino, ensuite un peu de vino et beaucoup de toi. Sur les traces des rêves avec toi, ouvre chaque jour une porte dans un pays qui s'appelle nostalgie. Alors je sais bien que toi, tu me donnes tant de tendresse. Tu m'aides à traverser l'obscurité, ma montre est réglée à ton heure. D'abord un cappuccino, ensuite un peu de vino et beaucoup de toi. Juste des bougies, la chaleur de nos cœurs et de la musique. J'y pense encore, peu importe ce que je fais aussi. D'abord un cappuccino, ensuite un peu de vino et beaucoup de toi. Cappuccino, ensuite un peu de vino et beaucoup de toi. Juste des bougies, la chaleur de nos cœurs et de la musique. J'y pense encore, peu importe ce que je fais aussi. D'abord un cappuccino, ensuite un peu de vino et beaucoup de toi. D'abord un cappuccino, ensuite un peu de vino et beaucoup de toi. Voilà, d'abord un cappuccino, donc de Bernard merci, Bourgeois. Merci, mon ami Gilou. Mais je t'en prie, mais donc que tu connais Bernard, oui, bien sûr. Oui, j'étais avec lui. On était avec lui samedi avec Marie-France, et puis il y avait un super plateau d'artistes chez nous, là-haut dans les Hauts-de-France. On avait Benjamin, le petit Bourville. Ah oui, c'est vrai. On avait Jacques Laudin, le grand Bourville. On avait Bernard, et on avait qui, je ne sais plus. Marie-France, à la rescousse. Bernard. Jacques. Manu, non. Non, Manu, il n'a pas chanté, il était là. D'accord. Ouais. Bernard, okay. Jacques, le petit Bourville. Il y a quelqu'un d'autre ? Non. Simon Collier. Ah, Simon. Simon. D'accord, Simon. Alors, ben, Bernard, c'est vrai que je l'ai eu en contact aussi. Mmh. Et puis, donc, il viendra en live dans nos studios aussi. Bernard, aujourd'hui, il est son 17e album. D'accord. Ah oui, effectivement, oui, ça fait pas mal. Alors, Mado, j'ai un petit message pour toi. Ah, ça commence ? Oui, ça commence. Donc, de Martial, bien sûr. J'ai Martial Follet, mais tu de Radio Puisalène, oui, l'ami Martial. Ah, de Radio Puisalène, voilà. Donc, petit message pour mon ami Mado de Radio Puisalène, qui sera avec Gilles cet après-midi. Ma chère Mado, je ne pourrai pas t'écouter, car je serai en balnéo. Ah. Mais je penserai bien à toi. Gros bisous et bonne émission avec Gilles. N'oublie pas de revenir. Je sais pas, ça c'est pas si sûr. C'est vrai que. Mais j'avais vu des petites choses sur Facebook. Il y en a qui pensaient que tu déménageais. Je sais pas, non, il y avait pas des petites choses comme peut-être. Ça. Mais Mado, elle était trop loin. Elle a voulu venir avec nous dans les Vosges. Depuis que je dis que je vais partir, je leur ai fait aussi comprendre à un moment que je peux partir de la Picardie, je peux partir chez moi, il y a d'autres radios qui m'attendent. Bien sûr. Bah, écoute, je ne sais pas. Je regarde Marc, peut-être. Oui, bien sûr, avec plaisir. Voilà, alors maintenant on va s'écouter une autre chanson. Oui. Donc là, c'est des chanteurs alsaciens. Vous étiez en Alsace, tout à l'heure. On a pris les cigognes en photo. Vous avez pris les cigognes, d'accord, voilà. Donc ce groupe s'appelle Santa Rosa, qu'on écoute. Mamma mia Maria, mamma mia che gozzi, mamma mia Maria, je voudrais te revoir. Mamma mia Maria, avec toi ma vie va changer. Mamma mia Maria, juste le temps d'un soir. Dans ta robe d'été, un soir je t'ai croisé au bar de ce café. Mon Dieu, quelle belle soirée! À cet instant, mon cœur a trouvé le bonheur. Mamma mia Maria, mamma mia, quelle beauté! Mamma mia Maria, je voudrais te revoir. Mamma mia Maria, avec toi ma vie va changer. Mamma mia Maria, juste le temps d'un soir. À la fin de cette soirée, nous étions tous les deux au bar du petit café, un instant merveilleux. Mais je n'oublierai jamais ta robe d'été. Mamma mia Maria, mamma mia quelle beauté. Mamma mia Maria, je voudrais te revoir. Mamma mia Maria, avec toi ma vie va changer. Mamma mia Maria, juste le temps d'un soir. Ciao, ciao Maria, adieu mon bel amour. Ciao, ciao Maria, je n'attends que ton retour. Mamma mia Maria, mamma mia quelle beauté. Mamma mia Maria, va changer. Mamma mia Maria, juste le temps d'un soir. Mamma mia Maria, nous deux pour l'éternité. Voilà, Mamma Mia Maria. Donc, je salue aussi Christian qui est avec nous. Donc, qui fait le clown, qui fait le clown. Qui a l'habitude des studios aussi. Donc, ce n'est pas Bonhème. Bonhème, ça y est, ça commence. C'est pas Abba, Christian, non, c'est Santa Rosa. Parce qu'il voilà, aime c'est Abba. C'est un groupe alsacien. Voilà, voilà. Mado, je pense que tu as un petit message. Oui, je fais un petit coucou à Manu Duftel, qui est mon filleul de scène et dont je suis fière parce qu'il a vraiment bien travaillé avec Jamy Calbez, qu'il a composé son album, enfin ses deux albums, là on va dire, il est en train d'en faire un autre. Et Jamy, c'est un très bon auteur-compositeur. Moi, je le recommande souvent aux artistes parce que c'est quelqu'un de posé, qui correspond à la personne. Et Manu, je suis très fière de ce qu'il a fait parce que vraiment, il a des belles chansons. Coucou mon petit Manu, gros bisous. Voilà, ben c'est bien. De toute façon, on va écouter Manu Romantique. Hein. Alors moi, j'ai un autre petit message. Coucou les amis, bonne émission et des gros bisous à Mado et vous. Ça, c'est Josette Perrier. Ah, gros bisous, alors, Josette. Gros bisous, Josette. Ma foi, j'espère à très bientôt. Alors, dès vos journées parties sur Lyon, là. Hein. Enfin, Lyon, un petit peu tout près. Eh ben voilà, écoute, ben, si tu veux, on va écouter Manu Romantique. Oui. Avec ce titre, Une rose pour toi. Oh, c'est ça. T'es gâté, hein. Oui. J'ai gardé une rose pour toi, mon amour, je ne t'oublierai pas. Je vais bien et pourtant, je pense à toi souvent. Le temps passe, il y a longtemps déjà, et le bonheur ne s'efface pas. Mon amour, j'ai gardé une rose pour toi. Il n'y a rien de plus beau qu'un amour qui arrive comme un cadeau. Mais crois-moi, je ne t'ai pas oublié. Tu es là dans mon cœur à tout jamais. J'ai gardé une rose pour toi, mon amour, je ne t'oublierai pas. Je vais bien et pourtant, je pense à toi souvent. Le temps passe, il y a longtemps déjà, et le bonheur ne s'efface pas. Mon amour, j'ai gardé une rose pour toi. J'ai gardé une rose pour toi, mon amour, je ne t'oublierai pas. Il m'arrive de me promener à l'endroit où je t'ai rencontré. Doucement, tu as changé ma vie. Mon amour, je te dis merci. J'ai gardé une rose pour toi, mon amour, je ne t'oublierai pas. Je vais bien et pourtant, je pense à toi souvent. Le temps passe, il y a longtemps déjà, et le bonheur ne s'efface pas. Mon amour, j'ai gardé une rose pour toi. La la la la la la la la la la la la la. Mon amour, je ne t'oublierai pas. Je vais bien et pourtant, je pense à toi souvent. Le temps passe il y a longtemps déjà, et le bonheur ne s'efface pas. Mon amour, j'ai gardé une rose pour toi. Voilà Manu romantique, donc on lui fait un coucou, hein, je sais, voilà. On lui fait des gros bisous. On lui fait des gros bisous, mais avant, il y a un message très sympathique. Anénette aussi. Donc, alors là, nous avons un petit message de Danny Blondeau. Ah. Voilà, donc coucou à vous deux, gros bisous, une rose pour vous deux, donc deux roses. Merci Danny, gros bisous. Très bon auteur, compositeur aussi. Oui. Nous avons un projet avec Dany. Bon, je ne dis pas plus. Il ne faut pas tout dire à la fois. Non, gardez des fois Je garde. Alors, un autre, je dirais un de tes chouchous, Mado. Mmh. J'ai choisi aussi. Parmi tant d'autres, mais il y en a des préférés. Il y en a des préférés. Alors, Christian Vidal, ça te parle, l'amour, l'amour de ma vie. Voilà. Bon, c'est vrai que c'était pas trop difficile quand même, hein, parce que bon, on se connaît, Christian. Tout ça, on connaît nos chanteurs. Tu l'as déjà rencontré, Christian ? Christian, je l'ai rencontré dans le Nord. Alors, je me tourne vers Patricia parce que je me rappelle plus du prénom. C'est un peu ma mémoire, Patricia aussi, parce que je me fais jeune. Donc, c'était, tu sais, avec Pierre Charby. Il y avait Pierre Charby et Christian Vidal. Tu sais, c'était dans le Nord. Tu sais plus non plus. Bon, ça me rassure. Dans le Grand Nord. Non, c'était pas dans le Grand Nord. Et puis voilà, oui, je l'ai rencontré, Christian. Yes. Et puis bon, ça, c'est un chanteur que j'adore, tout le temps. Et j'ai prénommé ma fille Angélique. Voilà. Il est simple, il est gentil, il est égal à lui-même. Et Christian, c'est quelqu'un qui est droit en tout. D'accord, ok. Donc j'ai choisi cette chanson, Sérénade. Oh. Christian Vidal, sérénade. Alors après les roses, la sérénade. Il faut savoir que mon portable, quand il sonne, Gilou, c'est une chanson de Christian Vidal. C'est Christian qui chante. Ok. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, je l'ai partout avec moi. D'accord. Alors moi, quand mon portable sonne, c'est Franck Michael. Oh non. Bah si, pourquoi? T'aimes pas Franck Michel? Si, j'adore. Ah bon, ah bon. C'est pareil, j'ai rencontré à plusieurs reprises, oui. Franck. Il a commencé aussi chez nous, hein. On a commencé. Je le dis toujours et je lui ai redit il n'y a pas longtemps parce qu'on parlait, et j'avais été à un concert et puis je discutais avec lui, on fait des photos, puis je lui dis quand est-ce que tu viens nous voir à la radio? Alors il me regarde, ben, je lui dis quand même t'as démarré chez nous, on allait te chercher à l'autoroute là-bas au sens à Rouen. Alors il dit ah parce que ça existe toujours. Je dis tout comme toi, on a le même parcours. Ouais, ouais. T'as commencé chez nous, on est encore là, t'es toujours là. Ouais d'accord, ouais. Donc moi je j'aurais bien essayé de l'avoir en interview, mais c'est pas évident de. Non, maintenant c'est dur, faut passer par Enzo et c'est pas du facile. Oui oui par Enzo, oui oui. Je lui ai mis un petit mot à Enzo d'ailleurs, mais j'ai pas eu de réponse. Insister. On va rejoindre maintenant un chanteur belge, Franck Olivier. En Belgique, il y a des très très bons artistes, en Belgique, vraiment dans le Nord. De... Je profite pour dire que tout le monde est sympa là-bas. Ah oui. Dans le Nord, en Belgique, c'est pareil, ils sont adorables. Quoi, je veux dire, c'est vrai que je les suis beaucoup, mes artistes. Et quand je vais dans le Nord, en Belgique, dans le Pas-de-Calais, c'est une famille, il y a un fan club, et puis c'est convivial, c'est... Tout le monde se connaît, t'as vu comment c'était Marie-France samedi, tout le monde poussait, oh, t'es là, puis oui, c'est vraiment... c'est bien, ouais. Ce qu'on va faire, Patricia va monter dans le Nord. Hein. Ah ouais, oui. Alors c'est pas peine que je vienne dans les Vosges. On va se croiser. Donc on s'écoute Franck Olivier avec ce titre « Je t'aime vraiment ». Je pourrais bien essayer de te convaincre, te dire qu'elles étaient faciles, mes filles d'avant. Faire trébucher ta pudeur pour mieux te vaincre. Désolé cette fois, car toi, je t'aime vraiment. Quand l'ardeur force le geste à contre-temps. Si tu penses à me quitter pour te défendre, désolé cette fois, mais toi, je t'aime vraiment. C'est pour toujours. Ferme les yeux, ne crains rien du cœur qui t'aime. J'apprends pour toi tous les mots des sentiments. Quel que soit Donc on vient d'écouter Franck Olivier. Une très belle voix aussi, et les duos avec Marcel Alexis. J'ai eu le plaisir de les recevoir. Ils étaient venus tout exprès de Belgique. C'est quand même rare, quand même. Ils sont venus deux fois en studio. Quoi. On les a venus à la radio, ils sont venus pour chanter sur des spectacles qu'on a organisés. Et puis je les ai rencontrés à plusieurs reprises sur des spectacles avec Bernard Bourgeois, parce que Bernard les prend souvent. D'accord, ouais. Alors un petit coucou du côté de Chatou, nous écoute en région parisienne. Bisous à ma petite Bourville. Très bien, maman. À Sabrina et Eric, ses parents. Ouais, d'accord. Moi, je voulais saluer. Faire un petit coucou, je ne sais pas si elle écoute. C'est Claude, c'est ça qui est avec toi? Claude qui est avec moi, je pense qu'il doit écouter. Je pense. Et Laure peut-être aussi. Laure, je ne sais plus. Enfin, la dernière fois que j'avais appelé, c'était Laure. Standardistes du dimanche. Je crois que j'avais perturbé une de tes standardistes. Mais alors? Ah, c'est Gilou. Ah, bon, c'est bonjour, des Vosges, tout ça, c'est animateur. Allez, il y a toujours de la bonne humeur chez nous. Alors, je voulais te demander, Mado, est-ce que tu connais Maria Miel? Non, tu connais j'ai entendu pas parler, mais je ne connais c'est pas. C'est une chanteuse belge aussi, donc qui est malheureusement décédée, qui a fait quelques belles chansons. Il y a Frédéric François, notamment, qui a composé pour elle. Ah oui? Ouais. Je ne pourrais pas te dire sa carrière, vraiment, je ne connais pas trop. Mais le nom me parle. C'est une chanteuse qui elle avait fait 2-3 45 tours qui sont sortis en France, bien sûr. Et puis voilà, j'en ai choisi une. J'aime bien sa voix, j'aime bien ce qu'elle faisait. Donc on s'écoute La Vie. Tu n'aurais pas songé à m'emmener, mais le ciel gris c'était comme une chance, comme un congé que l'on donne à l'enfance. Je t'ai suivi jusqu'au fond du café, tu riais de mes cheveux détrempés, j'aimais ta façon de rire de tout. Voilà, Maria Miel. Une très belle voix. Hein, c'est une très belle voix. Hein, voilà, j'aime bien. Moi, elle a fait quelques belles chansons, tout ça. Alors voilà, on retrouve Lou qui est avec nous. Coucou Lou. Coucou tout le monde. J'adore quand elle revient Lou comme ça. Le sourire, le sourire. Ah oui, oui, le sourire, un grand sourire, c'est toujours voilà. Hein, bon, je ne vais pas dire du mal de Marc, elle était soleil. Très agréable aussi quand même, on va tout de suite... Ah bah non, mais de toute façon Marc il le sait, hein. Il n'y a pas de problème. On pense je que dis... c'est, pardon, excusez-moi, c'est le rayon de soleil de votre radio. Ah oui, certainement. Ah oui, si. Non mais Marc il sait, il n'y a pas de problème, c'est bien, puis ça change un petit peu quand même. Bah oui, pour toi oui. Pour voir la technicien. Voilà, alors tout à l'heure on parlait de Sweet People. Oui. Un beau groupe, hein, donc qui sont de Suisse. Oui, et Anna Morissode, même quand ils chantent aussi. Anna Morissode, oui, j'aime beaucoup. C'est un groupe de Suisse. Alors là, on va écouter cette chanson, Ça finit toujours trop tôt. Ah, ça c'est vrai. Non, mais c'est pas fini, Mado, on continue. Trop tard. On écoute. Oui, attends une seconde. Non, mais je t'en prie, Louise. J'étais trop vite. On perturbe. Bah attends, j'ai pas l'habitude de m'occuper de toi, alors forcément. T'as pas l'habitude de t'occuper de moi? Ah bah non, hein. Ah bah il va falloir un peu prendre l'habitude. Allez, on va y arriver. Mais oui, y a pas de souci. Donc c'est ça finit toujours trop tôt, c'est ça? Voilà, c'est ça, Lou. Merci. Allez, hop. Donc on s'écoute ça. On s'écoute. Soleil, des nuits magiques, des siestes sans sommeil, un été d'amour. Quand le rêve est aussi beau, quand le stress est à zéro, le temps des vacances, ça finit toujours trop tôt. People, ça finit toujours trop tôt, oui, c'est une belle chanson aussi, donc tirée de leur dernier album Ainsi soit-il. Voilà, c'est vrai que c'est un beau groupe, hein. Oui. Ouais, ils avaient fait sorti 2-3 45 tours quand même dans les années 80 qu'on connaissait France. Enfin, moi je les ai découverts comme ça. Moi je les ai découverts par Radio Pisanen, puisque c'est vrai qu'on les passait, c'était pas moi au début, hein, les autres animateurs. Et on avait une animatrice qui les passait, elle faisait son le vendredi, elle est décédée. Et tous les vendredis, elle les passait deux, trois chansons. C'est là que j'ai découvert Sweet People. D'accord. J'ai accroché tout de suite. Hein, Oui, bien sûr. Ouais. Mon générique d'émission, c'est Sweet People. Hein, si on ressortait les vinyles, voilà, c'était sur leur avant-dernier album, ça, de cette chanson-là. Alors là, on va s'envoyer. On va s'envoler un petit peu dans les îles. Ah. Avec Audrey Landers. Je ne sais pas si tu connais Audrey Landers. C'était la jolie actrice de Dallas, qui jouait dans Dallas. Non, parce que je ne regarde pas Dallas. Tu n'as pas regardé Dallas? Non, mais ça fait une paire d'années, Mado, déjà. Oui, mais même jamais. Je suis très, très musique. Je ne suis pas télé. Je pourrais vivre sans télévision, sans problème. Oui, ben moi, c'est pareil. Oui, c'est vrai que la musique, avant tout, avant la télé. Donc, en fait, c'est une actrice. Et ensuite, elle a chanté. Et elle a fait quelques succès et ensuite elle est partie en Allemagne. Elle chante en Allemagne, je ne sais pas à l'heure actuelle si elle chante toujours là. Enfin, elle chantait en Allemagne. Donc là, on s'en va oh là là, vers les îles Hawaï. Et ce titre qui est chanté en allemand, bah, tu vois, je suppose rythmé, un peu. Bien chaloupé, tu vois. Et donc on écoute le titre Blue Baya Blue. Audrey Landers. Alors, je voulais faire une petite dédicace donc à mon amie et agente Lynn. Oui. Parce que quand on est dans les pays hawaïens, comme ça, on dit aloha. Ah. Ce qui veut dire bienvenue. D'accord. Puis souvent, quand on se parle un petit peu sur Messenger, c'est aloha. C'est comme ça. Ça veut dire aloha, bienvenue. Voilà. D'accord. Donc, c'est pour ça que je fais cette petite dédicace. Alors, il y a Dany qui me dit que je suis troublée avec la jolie Mado. Non, mais non, on est sage, on est, voyons franchement, oui. Attends. On enfin, est sage. Après, t'es un homme normal, si t'es troublé, c'est tout à fait normal, c'est tout en mon honneur. Ça va, Mado, autrement, qu'est-ce que je regarde? Oui, on a un message aussi de Thierry Brenner. Oui. Qui est un grand auteur, Thierry. Un ami, bonjour Gilles et Mado, un petit bonjour à tous les deux, instant trop rare de calme, avec une actualité énorme. Trois artistes qui tournent chacun leur nouveau clip ce week-end à Strasbourg, Montpellier et Miami. Un petit moment de romantisme bien agréable à mes oreilles. On reste en contact, à bientôt. Amitié du Poitou. Voilà. Et ben des gros bisous. Merci Thierry, on te fait de gros bisous. Voilà, tu as autre chose, Mado? Non, ça. Non, non c'est cool, c'est parler. Bon, oui. Ah oui, alors là, donc, on a quelqu'un au téléphone. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, bonjour, bonjour. C'est qui? Bonjour Mado, bonjour. Comment bonjour, ça va Martine. Bonjour Martine. Eh ben bonjour. Ça va bien? J'avais promis de vous faire un petit coucou. Hein. Oui, c'est vrai, super, c'est vrai. Gentil. C'est gentil. On t'a fait patienter un petit peu hein, le temps de la chanson, mais... puis j'avais deux petits messages à passer, tu vois. Ouais, mais il n'y a aucun souci, il n'y a aucun souci. J'espère que vous avez du beau temps là-bas. Là, il fait très beau là. Eh ben comme nous. On a du soleil, oui, c'est vrai, il fait bon. Je peux rentrer, il fait beau? Oui, il n'y a aucun souci, il fait super beau, là. Sinon, non, je ne rentre pas s'il ne fait pas beau. Non, il y a du soleil, ils annoncent du très chaud pour ce week-end, donc tu peux rentrer. Voilà, je vais rentrer. Et puis, je pense que nos amis de l'Oise tiennent à toi, donc il ne faut pas que tu restes trop longtemps là-bas non plus. Hein. Un petit peu quand même, je suis bien, alors moi, je me suis fait déjà des nouveaux amis, tu sais. Moi, je ne sais pas si je ne vais pas la garder avec moi, Mado. Hein. Surtout sur le marché. Mado, il ne faut pas la mettre sur les marchés. Ah bon? Ah oui, elle fait des rencontres. Ah ben écoute, puis c'est bien. Des rencontres. Mmh. Ah, on va tout savoir alors. On ne va pas tout dire quand même. Non, mais c'est juste pour la radio. Oui. Ah, d'accord. On se rattrape. Deux marchés, deux fois je retombe sur la même personne. Bon. Ce matin, on a bien rigolé, n'empêche. Eh ben voilà. Ah ben écoute, voilà, c'est très sympa de changer un peu d'air et d'aller se promener. Puis alors, je pense que les Vosges, bon, moi j'y suis allée il y a quelques années, mais je vais faire en sorte de retourner voir un petit peu... Tous ces gens sympathiques et cette région. C'est une belle région. Ouais, tout à fait. Sympathique comme l'animateur de Radio Gamozo. Tout à fait. Eh ben oui, mais j'allais le dire. Les animateurs. je me passe de la pommade, hein, Martine. Non, mais tu peux. Non. C'est toujours, comme je dis toujours, il faut de la bonne humeur. Hein, c'est vrai. D'ailleurs, on en a eu la preuve avec votre interview il n'y a pas longtemps, c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. On s'est bien amusé, en fait. Hein. C'est vrai, on a passé, le temps a passé vite, hein, Martine. Hein, c'est vrai. Ah oui, une heure et demie, c'est vrai que ça passe vite. Hein. Puis, pour te dire, Marie-France Martine, elle appelle de Pont-5 Maxence. Non. Oui, enfin, c'est à côté. Oui, voilà. Ouais, je suis à côté. Pour situer, voilà. Oui, pour situer, oui. Avant, c'était le cabaret à Pont-5 Maxence. Oui, tout à fait. Bah, je vais vous laisser continuer tous les deux. Et bien vous des formez gros une bisous. Super belle équipe là. Hein. Et oui, deux animateurs, ça fait le buzz, hein. Ça chauffe. Hein. J'espère que les gens vont profiter de cette belle émission. Ben, bien sûr, on espère aussi. Je vous embrasse tous les deux. Des gros bisous, Martine. À très Merci bientôt. Martine, gros bisous. J'embrasse Lynn qui doit écouter aussi. Hein. Oui, je pense qu'elle doit être à l'écoute, oui. Et puis toute l'équipe de Radio Gamozo. Et puis je vous dis à bientôt. À bientôt. La prochaine émission, c'est dans les studios, hein, Martine. Ouais, promis. D'accord. Bisous à vous. Allez, bisous. Au revoir, merci de ton appel. Voilà, ben, c'est sympa. Oui, alors, c'est sympa. On était tout à l'heure dans les îles Hawaï, un petit peu. Alors, on voyage. Là, on va partir en Italie. Ah, c'est bien aussi, j'aime beaucoup. Avec un petit medley de Angela Mico. Je ne sais pas si tu connais Angela Mico. Un petit peu. Donc, qui est très sympathique. On l'a rencontrée il y a 15 jours, hein, Patricia. On l'a rencontrée, Angela. On l'avait déjà vue aussi sur la tournée à Ch'tendre. Oui. Donc, elle avec Christian Delagrande. Avec Christian Delagrande, tout à fait. Et là, elle nous interprète un petit medley italien. C'est des chansons anciennes, mais sympas. On écoute. So cosa sono per te, non ho mai capito sul viso. È un miracolo d'amore che si apre in questo istante per me, che non amo che te. Non ho mai capito, non sapevo che tu dimmi quando tu verrai, dimmi quando, l'anno, il giorno, l'ora in cui forse tu mi bacerai. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me senza te. Ogni istante attenderò fino quando d'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando il giorno, l'ora in cui forse tu mi bacerai. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché non ha senso per me la mia vita senza te. Ogni istante attenderò quando d'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me. Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposar. Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposar. Oh mia bella amore, tu non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no no no no no. Oh mia bella amore, tu non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no no no no no. Mi sono innamorato di Marina, una ragazza amora ma carina, ma lei non vuol sapere del mio amore, cosa farò per conquistarle il cuore. Un giorno l'ho incontrata sola sola, il cuore mi batteva a mille all'ora. Quando le disse io ti voglio amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposa. Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposa. Oh mia bella amore, tu non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Oh mia bella amore, tu non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no no no no no. Voilà, Angela Mico avec ce medley italien. Alors Mado, maintenant on va écouter une chanson. Une chanson pour toi Mado. Ah, enfin une chanson pour toi. C'est donc Jamie qui Calbet, c'est ça, je ne me trompe pas, qui t'a fait, qui t'a écrit une belle chanson. Il m'a composé deux chansons pour moi personnellement. Alors, Jamy, il trouve que je fais beaucoup pour les artistes et que je suis beaucoup avec eux, je les suis beaucoup. C'est vrai que c'est une passion, c'est comme toi, la musique, la chanson. Il m'a fait pleurer parce que quand il m'a envoyé cette chanson, il m'a dit, tiens, tu écouteras et si tu aimes, on la pose. Et quand je l'ai écoutée, j'ai pleuré. Mais bon, maintenant c'est passé. Maintenant, j'ai que plaisir à l'écouter. Oui, la deuxième est très belle aussi. Et il me dit, au nom des artistes, je te remercie pour ce que tu fais. Oui, bien sûr. C'est dans le texte. À tout, j'ai réécouté parce que tu me l'avais envoyé une fois. Oui. Ouais. Alors là, j'ai pris la Mado. Oui. La deuxième version. Parce que il y a deux versions, voilà. Plus une deuxième chanson. Il l'a refait, voilà. Voilà. Donc on va écouter cette chanson. Voilà, on écoute Mado. Laisse-toi apprivoiser, Mado. Laisse-toi approcher, Mado. Laisse-toi embrasser, Mado. Il est temps de rêver, Mado. C'est le cœur sur la main que tu donnes. Tu devrais penser un peu à toi. Tu fais ce que tu peux pour les autres. Je le sais, tu es faite comme ça. Pour les chanteurs, tu en fais des tonnes. Tu les aimes, tu as fait ton choix. On aimerait que tu ouvres ta porte. Aujourd'hui, l'amour est là pour toi. Laisse-toi apprivoiser, Mado. Laisse-toi approcher, Mado. Laisse-toi embrasser, Mado. Il est temps de rêver, Mado. Inutile de te dire que l'on t'aime. Tu le sais, c'est écrit dans nos yeux. On voudrait que la vie te surprenne à aimer encore plus fort qu'avant. Tu as fait de ta vie une fête, tes larmes tu les as bien cachées. Ton passé maintenant tu le jettes, il est temps pour toi d'en profiter. Laisse-toi apprivoiser, Mado. Laisse-toi approcher, Mado. Laisse-toi embrasser, Mado. Il est temps de rêver, Mado. Laisse-toi apprivoiser, Mado. Laisse-toi approcher, Mado. Laisse-toi embrasser, Mado. Il est temps de rêver, Mado. Voilà, Mado, une belle chanson. Très belle, j'aime beaucoup. Jamy, c'est une belle chanson, voilà. Et Jamy, c'est vrai, c'est ce que je dis tout le temps, il voit la personne, il sait ce qu'il doit faire. Il est vraiment, comme pour Benjamin, mon petit Bourville, là, les chansons. T'as vu quand il chante Papy, Marie-France, Benjamin, il lui a fait une chanson Papy, en plus il a perdu ses deux papys. Mais quand il la chante, il a les yeux là-haut et ça lui correspond, c'est oui, vraiment... Oui, c'est vrai. Alors, des belles paroles, c'est vrai. Alors donc, je t'en prie, Mado, j'ai réussi donc, comment je veux dire, à t'approcher. Gilou, là, pour faire cette émission. Son examen de passage. On avait dit qu'on serait sérieux, mais que ça serait dans la bonne humeur quand même. Alors en fait, c'est vrai que, quelquefois, je rencontre beaucoup d'autres animateurs aussi. on m'a déjà dit, oh, faudrait que tu fasses une émission avec moi, faudrait que tu viennes. Enfin, bien sympathique, mais bien sûr, alors, oui. C'est la première, je fais moi avec un animateur une radio ailleurs. Oui, c'est, ben, écoute, moi c'est la première fois que je fais aussi. Alors, je vais dire, non, on avait reçu à la radio, c'était donc Christophe Ferrand qui était venu faire un stage chez nous. Christophe Ferrand qui fait ses émissions sur le web. Oui. Christophe, voilà. Donc Christophe était venu, c'était en 2000, ça passe vite, hein. 2002, hein. Il y a deux ans, ou trois ans, je dirais moi peut-être, oui, trois ans. Donc Christophe avait fait son stage, donc en radio, voilà, ici, donc avec Marc. Et il a fait une émission. Et donc on avait fait une émission ensemble. Voilà, mais donc, bon, je le salue s'il m'écoute, Christophe. Mais c'est vrai que, enfin, je dirais deux animateurs radio, oui. Voilà, je dis, c'est bien ce qu'il fait, hein. C'est, mmh. Voilà. Mais non, voilà, c'est la première fois, puis en plus, Mado, voilà. Comme me disait Dany tout à l'heure, j'étais troublé. Bon, ben non. Non, mais ce qui se passe aussi, Gilles, oui. C'est qu'on a, je crois que tous les deux, on a le même centre d'intérêt pour les chansons romantiques. Bien sûr. Il y a un petit peu de complicité aussi, où quand on s'appelle, quand on s'envoie des messages, on sent que. Moi, tout de suite, ça a accroché quand on s'est rencontrés la première fois à Niederbronn. Ouais. Et dans le restaurant, tu m'as envoyé un texto. Ah oui, c'était marrant, ça, c'est vrai. Mais que... si tu savais le nombre de fois je le raconte, ça. Parce que, bon, on sait, hein, Patricia, on s'était dit. Oui, bien sûr. Ouais. On se verra, c'était au casino où Michel chantait. Il y avait Michel, il y avait Pascal. Non, celui pas parce Johnny. Oui, Jean-Claude. Jean-Claude Bader. Et qui ont fait un coucou si des fois on ne sait jamais. Oui, Jean-Claude, moi je l'avais reçu aussi par Enfoneur. Après, Gilles Dreux. Il y avait Gilles Dreux. Gilles Dreux. Il y avait un beau plateau d'artistes. Il y avait Jean-François Valence aussi. Oui, Jean-François Valence, que j'attends toujours entre autres à Radio Pisalène parce qu'il m'a promis. Ah, bah, je vais le rappeler à l'ordre, Jean-François. Tu te fâches un petit peu. Hein. Je vais lui dire. Et là, on était quoi ? On était sept, hein, parce qu'il y avait ma sœur, il y avait mon beau-frère, des amis. Marie-France était avec moi. Et puis, on cherchait pour manger avant d'aller au spectacle. Et je rentre dans un restaurant. Et là, d'un coup, j'ai un texto qui tombe et qui me dit coucou, Mado. Alors là, je me tourne, je cherche, je suis repéré. Gilles. Ah, c'est vrai, c'était sympa, cette chose. Drôle, hein, je vous avais vu rentrer, là, tout ça, puis je dis, tiens, moi, c'est Mado. Je dis à Patricia, oh, il y a Mado qui est là. Puis je dis, tiens, le regarde pas. Je me suis dit, tiens, le petit texto. Elle peut pas me dire bonjour. je me dis, ça y est, elle fait la fière. Elle est peut-être pas si aussi sympathique comme à la radio. Je rectifie, non, c'est vrai. On a bien rigolé, c'est là que ça a accroché, on a fait les photos, et puis deuxième spectacle aussi. Oui. Organisé par Daniel, hein, et on s'est retrouvés aussi, c'était bonne complicité encore. Et c'est là, je pense, que l'amitié se crée vraiment, et on sent que c'est du sincère, solide, et puis on a envie de se retrouver, on a envie de faire des choses ensemble, comme là, une émission de radio, c'est super. Bah oui, mais vraiment, ça m'aurait... Enfin, je veux dire, voilà, tu es en vacances dans les Vosges, voilà, c'était l'occasion, hein, il fallait qu'on fasse ça, autrement, je t'aurais pas laissé repartir, hein, tu restais plus longtemps, mais il fallait qu'on fasse cette émission. Alors, on peut te dire aussi que les gens, Nathalie et Albin, chez qui on est en chambre d'hôte, connaissent la radio, ils nous ont dit la fréquence et ils écoutent Radio Game Ozone. D'accord. Alors, donc, on peut les saluer peut-être. Oui, on peut les saluer. On a très bien mangé hier soir avec eux. D'accord, ok. Alors maintenant, on va écouter une chanson donc de Pierre Charby. Alors, c'était un titre, d'ailleurs, je le remercie pour l'exclusivité. Sur Radio Gamozo, c'est un titre qui va figurer dans son prochain album à sortir un petit peu avant, je pense pour l'automne, je crois, si je me trompe pas. Donc ce titre, Une Shined Melody. Donc voilà, cette belle chanson, il faut entendre après sur le pont musical les chœurs. C'est Pierre qui fait de sa voix ces chœurs-là. Voilà, c'est on ça. Écoute. But time goes by. Still my rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Sigh, wait for me, wait for me. I'll be coming home. Wait for me, yeah. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch. Pierre Cherby, hein, une Shining Melody, une très belle voix, Pierre, hein, qui monte très haut dans les aigus. You, c'est la chanson. Oui, oui, bien sûr, ça belle. C'est. Oh là, qu'est-ce qu'on a dansé sur You. Il y avait aussi, il y avait François Vellery qui disait qu'est-ce qu'on a dansé sur cette chanson. Alors, oui, c'est François ce que je voulais dire. Voilà, qu'est-ce qu'on a dansé sur cette chanson sur You. C'est vrai. Très belle. Moi, je me rappelle, j'étais dans les autoscooters. Dans les autotamponnantes, pas tout, tu fermes tes oreilles. C'était cette chanson-là. Dans les autotamponnantes, j'étais avec une petite copine. Oh là, c'était bien. Mais on était sages. C'était bien, c'était bien. C'était bien chez Laurette. Bon, alors maintenant, un autre chouchou. Ah, on pouvait pas passer, on ne pouvait pas ne pas passer l'autre, un autre de tes chouchous, Mado. Bon, alors Bernard, je ne sais pas Christian. Si j'ai fait le bon choix. C'est Michel. J'espère que je vais faire un bon choix quand même. Là, on vient de terminer avec une chanson mélodieuse. Mmh. Enfin, après, sur Michel, il y a des belles chansons aussi. Et aussi, mais aussi repartir un petit peu dans le rythme. Mmh. Puis nous recaler un petit peu dans les années passées. Donc, j'ai choisi ce titre 70s. Ah. C'est une chanson clin d'œil rétro sur nos 20 ans. Un refrain nostalgie sur nos pattes d'éléphant. Un air de liberté, Julia les cheveux longs. C'était l'Himalaya, c'est Jérôme en chanson. Les gondoles à Venise qui luxent à la télé. Un air d'accordéon jusqu'à l'Élysée. C'était le MLF, un enfant si je veux. Et Jimmy se perdait dans des paradis bleus. 70s, peace and love. Le temps des deux chevaux grises. Dans nos rêves, un vieux Bee Gees. Oh, oh, que l'on chantait tous les deux. C'était un grand bateau qu'on appelait le France. Un petit rapporteur qui faisait rire la France. La flambée du pétrole sur un dernier tango. Des paillettes un peu folles sur nos soirées disco. 70s, peace and love. Le temps des deux chevaux grises. Dans nos rêves, un vieux Bee Gees. Oh, oh, que l'on chantait tous les deux. 70s, peace and love. Les week-ends sur la Tamise. Le temps des God Save the Queen. Oh, oh, oh, et des fleurs dans tes cheveux. Le temps des deux chevaux grises. Dans nos rêves, un vieux Bee Gees. Oh, oh, oh, que l'on chantait tous les deux. Oh, oh, oh, 70s. Les week-ends sur la Tamise. Le temps des God Save the Queen. Oh, oh, oh, et des fleurs dans tes cheveux. Oh, oh, 70s. le temps des deux chevaux grises. Dans ma tête un vieux Bee Gees. Oh oh oh, que l'on chantait tous les deux. Voilà, Michel de Monaco, 70s, Mado. Très très belle chanson, très, Michel. Très très belle chanson, hein. Tu diras pas le contraire. Non, toutes elles sont belles, ces chansons. Oui, c'est vrai, c'est un bel album, parce que souvent, il y a des fois des albums, on a une ou deux chansons, puis après le reste, c'est du remplissage. Oui. Hein, mais là c'est ce style de chanteur romantique, chanteur de charme, où toutes ces chansons sont belles, quoi. C'est vrai, souvent on achète un album de n'importe quel artiste national, et on achète pour une chanson, voire deux. Et oui. On écoute toujours les deux mêmes, et d'un seul coup on passe à l'album, et on en découvre une dedans qui est pas mal et qu'on n'avait pas écoutée. Oui, c'est ça. Ouais, on y fait aussi attention à ça. Par contre, Michel, là, les deux albums, ça fait 20 ans. Il y en a d'autres, mais ces deux-là, ça fait 20 ans. Et le dernier, franchement, c'est que du bonheur. Oui, c'est vrai. Oui. C'est comme Bernard Bourgeois, il a 17 albums. Moi, je lui dis toujours à Bernard, mon préféré, c'est celui où il y a le cappuccino, Salut, bonjour, mon amour, oui. Les voiles blanches, Romantica, oui. Une chanson italienne. De tous ces albums, moi, celui-ci, je ne m'en lasse pas. Oui, c'est celui qui m'avait envoyé. Enfin, non, je crois que c'est toi qui m'avais envoyé. C'est moi qui te l'avais envoyé. Oui, oui. Puis Bernard m'en a envoyé deux autres. Oui, dans les derniers, je pense. Alors là, on va écouter donc duo tendance. Là, on repart un petit peu en Alsace. Un petit peu en Alsace, où il y a le Alsace, il y a plein de belles choses, de bonnes choses. Oui. Hein, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez goûté le Munster. Non. Non, c'est bon, ça va. Alors, on s'écoute. Il nous a dit qu'il fallait prendre une douche. Alors, on n'a pas mangé de Munster. Moi, je vais vous faire une confidence en direct live. Aïe, aïe, aïe, ça y est, je suis mort. Parce qu'il a dit, si vous allez manger du Munster, après, vous passez à la douche, parce que sinon, ça fouette un peu. Je ne sais pas si c'est pire que le maroilles dans le Nord, je ne sais pas. Mais bon, non, mais c'est bon le Munster, c'est vrai quoi. C'est pire le Munster que le maroilles. Ouais. Non, pire, c'est le vieux lila. Non, mais entre le Munster et le maroilles. Ah, alors... Voilà, on parle plus de fromage. Je commence à avoir faim, moi, tiens. Alors, on écoute une dernière nuit. Nous n'avons dansé tous les deux. Un seul été, mais les jours de notre bonheur étaient comptés. À peine un rêve merveilleux, la folle illusion d'être heureux, et déjà le temps des adieux est arrivé. Une dernière nuit, je veux te graver dans mes souvenirs, et jusqu'au petit jour, te parler d'amour pour oublier ma peine. Une dernière nuit, pour me trouver la force de te dire, quitte-moi, mais n'oublie pas. Avant de laisser la vie nous séparer, il nous reste encore tant de choses à partager. Dans la chambre où battaient nos cœurs, essayons d'arrêter les heures avant de voir notre bonheur se déchirer. Une dernière nuit, je vais te graver dans mes souvenirs, et jusqu'au petit jour, te parler d'amour pour oublier ma peine. Une dernière nuit, pour me trouver. dis, quitte-moi, mais n'oublie pas, je t'aime. Une dernière nuit, je veux te graver dans mes souvenirs, et jusqu'au petit jour, te parler d'amour. Une dernière nuit, pour mieux trouver la force de se dire, quitte-moi, mais n'oublie pas, je t'aime. Voilà, une dernière nuit du Haut Tendance. Alors, vous êtes toujours sur le 107 FM, Radio Gamozo. Vous êtes avec Gilou et Mado dans les années bonheur. Voilà, vous pouvez encore nous appeler au 03 29 62 40 40 pour nous faire un petit coucou. Alors là, on a un petit coucou de Josette. Ah, on lui fait des coucous. Qui nous dit bisous. Merci pour 70s. Voilà. Heureusement que je n'ai dit que du bien de Mimi. Hein. Ah oui. Toi, il y a du monde à l'écoute, hein, quand même. Ah, mais de toute façon, on peut en dire que du bien. Mais bon, tous les artistes qu'on reçoit en général. Oui, on les aime bien, on ouais. peut dire que du bien, hein, c'est vrai. Alors, on va écouter maintenant Denis Simon. Tu connais Denis oui. Simon un petit peu. Mm-hmm. Mais je sais que tu avais une chanson qui était sur les CD que, voilà, qu'on avait regardé. Mais là, j'ai choisi une plus ancienne, mais je pense que tu vas aimer, qui était intitulée pardon, Tous les chalalas font oui. des souvenirs. D'accord. Voilà, donc Denis Simon, tous les chalala font des souvenirs, une belle chanson. Nous avons tout à l'heure, j'avais un petit message de mon ami Thierry Brenner, donc c'est Thierry qui a fait les paroles. Les paroles, et une très belle voix aussi. Très belle voix, Denis, oui, bien sûr. Alors, après ça, oui, eh ben alors on va repartir un petit peu dans le rythme, hein. 17h21, oh, ça passe vite, ça passe trop vite, il faudrait qu'on fasse 2 heures. Donc on va réécouter Bernard. Oui. J'aime bien celle-là, moi, puis ça bouge, alors salut, bonjour, mon amour. Oh là on là, écoute. Souvent je démarre avec moi. Bernard Bourgeois. Hein, on était avec lui samedi, mais ça fait encore du bien de l'entendre aujourd'hui. Ouais, bien. Alors voilà, il est 17h25, et c'est vrai que ça passe toujours très vite, hein, bien sûr, avec de beaux échanges, tout ça. Quand on est tout seul, ça passe vite. Oui, oui. Mais alors aussi, là, quand on est à deux, on meuble et ça passe encore trop vite, beaucoup trop vite. C'est vrai. Alors, on va terminer tout doucement. Donc, Mado, je voulais te remercier encore. Mais c'est moi qui te remercie déjà pour ce moment de radio ensemble. Ça m'a fait vraiment plaisir. Et puis, c'est vrai que ça fait quelques temps. Je voulais emmener ton cœur en voyage. Oui, je l'ai dit à Marie-France. Alors, c'est vrai que j'aime pas trop. Mais j'ai dit, voilà, on va les terminer comme ça. Hein, on va partir en voyage, bon, bah, dans les Vosges. Mais bien, hein, sûr. Bien sûr. Écoute, on est sur. On ira voilà, jusqu'en Alsace, peut-être. On fait comme ça. Puis bien sûr, bon, moi, je remercie tous les auditeurs, les auditrices. Et Martine qui a téléphoné. Et Martine qui a téléphoné. Tous les petits messages que l'on a eus. C'était bien sympa. Bien hein. sympa. Et moi, je vais te dire, oui. Là, je te remercie déjà pour ton invitation. Merci aussi à Patricia d'être avec nous, de partager ce bon moment. Marie-France aussi. Bien sûr aussi. Marie-France. Et j'espère, à titre de revanche, que tu viendras un jour aussi à Radio Pisanet. Faire une émission. C'est promis. C'est mais promis, moi, c'est pas une heure et demie chez moi, c'est trois heures. C'est pas grave. J'ai de l'entraînement, pas de souci. Voilà, ben, voilà j'espère que ça vous aura plu tous, amis auditeurs, auditrices. Voilà. Merci Mado, merci Marie-France, merci Patricia, merci Marc à la technique. Et puis voilà, ben, j'amène vos cœurs en. Merci toujours les gens à la technique. Oui, il y a du travail. Sans technicien, on n'est rien. Voilà, on part en voyage. Eh ben, je suis désolé, moi je lance pas le morceau tant que tu n'as pas annoncé qui le chantait. Ah oui, ben, je suis. Alors c'est votre serviteur, votre animateur de Radio Gémozo des années bonheur, donc Gilou, j'emmène vos cœurs en voyage. Assez de grisaille ici, ta vie n'est pas toujours lumière. Entre habitude et soucis, pas le temps de revenir en arrière. Les années s'en vont et viennent, mais tu es restée la même. Celle qui rêvait de s'enfuir pour ne pas mourir. J'emmène ton cœur en voyage, là-haut pour toi tout est soleil. J'emmène ton cœur sur les rivages. Ton cœur en voyage, là-haut pour toi tout étincelle, rêvons au-dessus des nuages, à l'arc-en-ciel. Regarde effiler les mers et les grands oiseaux migrateurs, les lagons, les plages, les rivières se sont habillés de couleurs. De l'autre côté du monde, magie, amour se confondent. Jamais ne tombe de pluie au paradis. J'emmène ton cœur en voyage, là-haut pour toi tout est soleil. J'emmène ton cœur sur les rivages. Yeah.